Tradition. As-sunnah. Le terme arabe sunna signifie littéralement voie, méthode. Cela peut être une bonne ou une mauvaise sunna, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah, a dit « Celui qui instaure une bonne tradition dans l'islam obtient sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'imiteront après lui sans que cela diminue en rien la récompense de ces derniers. Et celui qui institue une mauvaise tradition, innovation religieuse, en islam, en portera le fardeau ainsi que celui de tous ceux qui l'imiteront après lui sans que cela diminue en rien leur fardeau. » Hadith rapporté par l'imam Muslim. La sunna est la seconde source de la jurisprudence islamique après le Coran. Ces deux sources sont toutes les deux essentielles. Un aspect important de la sunna est qu'elle explique le Coran et détaille de nombreux aspects de la loi islamique dans la manière d'accomplir l'adoration. Un exemple concret en est l'accomplissement des prières. Allah qu'il soit glorifié nous ordonne de prier, et c'est la sunna qui explique comment accomplir cet acte d'adoration fondamental. Allah qu'il soit glorifié ordonne aux croyants, dans maint verset du Coran, de suivre la voie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ainsi, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, évitez-le. Et craignez Allah, vraiment, Allah est dur en punition. 7e verset de la sourate Le Rassemblement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait l'habitude d'enseigner la sunna à ses compagnons et les incitait à la suivre. Une fois, il a dit dans un long hadith « Suivez ma sunna et celle de mes califes bien guidés. Attachez-vous-y fermement. » Rapporté par Tirmidhi. L'opposé de la sunna est la bid'a ou innovation. L'innovation contredit la voix du prophète. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque introduit dans notre religion ce qui lui est étranger verra son acte rejeté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il incombe aux musulmans de s'attacher au Coran et à la sunna du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'inciter ses frères musulmans à en faire de même, afin d'obtenir le bonheur dans cette vie et la félicité éternelle dans l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Je vous ai laissé deux choses, aussi longtemps que vous vous y attacherez, jamais vous ne vous égarerez, le livre d'Allah et la tradition de son messager. » Hadith rapporté par l'imam Malik.